Precious people of the Lord, précieux peuple du Seigneur, the Lord has now announced that the church prepares for the wedding of the Lamb. Le Seigneur a maintenant annoncé que l'Église doit se préparer pour les noces de l'agneau. The Lord is asking the nations to prepare for the Messiah's return. Le Seigneur demande à toutes les nations de se préparer pour le retour du Messie. To a glorious church. Pour une Église glorieuse. Precious people of the Lord. Précieux peuple du Seigneur, je vous ai dit, comme nous avons lu dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, les versets 6 à 9, as I described to you that tremendous vision when the Lord presented to me two wedding rings in the sky. Comme je vous l'ai décrit, de cette très grande vision que le Seigneur m'a montrée quand il m'a montré les deux anneaux de noces dans le ciel. Those wedding rings were not presented to me, but they are presented to you, the church. Ces anneaux de noces n'étaient pas présentés pour moi, mais ils sont présentés pour vous, l'Église. And I say it is important you listen very carefully because you will not get this message anywhere else. Et j'ai dit que c'est important que vous écoutiez très attentivement parce que vous n'allez pas trouver ce message nulle part ailleurs. And I say the Lord is right now refining his church. Et je dis que maintenant le Seigneur raffine son Église. He is purifying the church. Il purifie l'Église. He is refining the bride of Christ. Il raffine l'épouse de Christ. And then we saw very carefully. Et ensuite, nous avons vu très soigneusement when the wedding of the Lamb of God arrives, que lorsque les noces de l'agneau de Dieu arrivent, the biggest celebration in heaven, la plus grande célébration dans les cieux is due to the preparedness of the church. Est due à la préparation de l'Église. And the Lord says, when she is dressed in fine linen, et le Seigneur dit que quand elle a vêtu le fin lin, bright and clean, éclatante et pure, then she is for sure ready for the wedding. Alors elle est pour sûr prête pour les noces. And the fine linen is the righteousness of the church. Et le fin lin, c'est la justice de l'Église. The book of Zechariah, chapter 3, precious people. Le livre de Zacharie, chapitre 3, précieux peuple. Zechariah, chapter 3. Zacharie, chapitre 3. Verse 1, it says, then he showed me Joshua. Au verset 1, il dit, et il m'a montré Josué. The high priest standing before the angel of the Lord. Le souverain sacrificateur, debout devant l'ange du Seigneur. And Satan standing at his right side to accuse him. Et Satan debout à sa droite pour l'accuser. The Lord said to Satan, le Seigneur dit à Satan, the Lord rebuke you, Satan, le Seigneur te réprime, Satan, the Lord who has chosen Jerusalem, le Seigneur qui a choisi Jérusalem, rebuke you, te réprime. Is not this man a burning stick snatched from the fire? Est-ce que cet homme n'est pas un tison arraché du feu? Now Joshua was dressed in filthy clothes. Or, Josué était couvert de vêtements sales. As he stood before the angel of the Lord. Comme il était debout devant l'ange de l'Éternel. The angel said to those who were standing before him, take off his filthy clothes. L'ange dit à ceux qui étaient debout devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Then he said to Joshua, see, I have taken away your sin and I'll put rich garments on you. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Then I say, put a clean turban on his head. So they put a clean turban on his head and clothed him while the angel of the Lord stood by. Et il dit qu'on mette sur sa tête un turban pur et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange du Seigneur était là. The angel of the Lord gave this charge to Joshua. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. This is what the Lord Almighty says. If you will walk in my ways and keep my requirements, then you will govern my house and have charge of my courts, and I'll give you a place among these ones standing here. Ainsi parle le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. What is the message that the Lord is conveying to the church? Quel est le message que le Seigneur veut donner à l'Église? Through this tremendous vision of the wedding ring, travers cette grande vision des anneaux de noces, and regarding this scripture, et concernant ce texte de l'Écriture. Precious people, look at this. Précieux peuple, regardez à ceci. When the Lord raised Israel, quand le Seigneur élève Israël, he raised Israel as a nation that is an example to other nations. Il élève Israël en tant que nation qui soit un exemple pour les autres nations. That means he told Israel that when she will worship him correct, ça signifie qu'il a choisi Israël que si elle choisit de l'adorer correctement, he will always love her. Il va toujours l'aimer. And he said to Israel, et il dit à Israël that when she worships, he will visit Israel by his glory. Que lorsqu'Israël l'adore, il va le visiter par sa gloire. And he said to Israel that anybody that will bless you, I will bless, and anybody that will curse you, I will curse. Et il dit à Israël, et quiconque te bénira, je le bénirai, quiconque te maudira, je le maudirai. And so that was so critical in the sense that now Israel became the apple of God's eye. Et c'était si critique que maintenant Israël est devenu la prunelle de l'œil de Dieu. Joshua here, however, Josué ici cependant represents the nation of Israel. Représente la nation d'Israël. Because if Israel is supposed to have taught the other nations, parce que si Israël est supposé enseigner les autres nations, how to sacrifice before Jehovah, comment sacrifier devant Jéhovah, that they also may sacrifice before Jehovah in like manner, pour qu'ils puissent aussi sacrifier devant Jéhovah de la même manière, then that can only mean, que cela peut seulement signifier that Israel was raised as a nation of priesthood. Que Israël était élevé en tant que nation de sacrificateurs. But we see very carefully that over time, mais nous voyons très soigneusement que parmi le, dans le temps, Israel fell away, Israël s'est détourné from the ways of God, des voies de Dieu. And Joshua here is the symbolism of that nation of Israel. Et Josué ici est le symbole de cette nation d'Israël. Now in her fallen state, maintenant dans son état de chute, the priesthood of Joshua is represented here by the turban. La prêtrise de Josué est représentée ici par le turban that he wore, qu'il a vêtu. And we see that unfortunately, et nous voyons que malheureusement, Joshua, Israël, had filtered her priestly calling. Et nous voyons qu'Israël a souillé son appel sacerdotal. Filtered her priestly garment. Souillé son vêtement sacerdotal. And that's why the Lord is saying here. Et c'est pourquoi le Seigneur dit ici. That when Joshua appeared before him. Que lorsque Josué apparaît devant lui. Joshua had filthy clothes. Josué a des habits souillés. Unfortunately, when Joshua appeared in filthy clothes, the devil also appeared. Et malheureusement, quand Josué arrive avec des habits sales, le diable arrive aussi. And began to claim rights over Joshua. Et commence à réclamer des droits sur Josué. I say that if you belong, if you are a citizen of South Korea, you hold a Korean passport. Je dis que si vous appartenez à la nation de Corée du Sud, vous avez un passeport coréen. That is the identity marker. That is the only thing if you are in Europe, if you are in the United States. Ça, c'est la marque d'identité. C'est la seule chose si vous êtes en Europe, si vous êtes aux États-Unis. And you say you are Korean, they say, can I see your passport? Et vous dites que vous êtes coréen, ils vous disent, pouvons-nous voir votre passeport. So the passport is the identity marker. Alors le passeport est la marque d'identité que la nation de Corée donne en tant que citoyen. Now look, precious people. Maintenant regardez, précieux peuple. The devil also has the marker system. Le diable a aussi un système de marque. That's why he marks people. C'est pourquoi il marque les gens. He puts mark on people. Il met des marques sur les gens. And when he marks them, he considers them his own. Et quand il les a marqués, il les considère comme sa propriété. We know the identity markers of the devil. Nous connaissons les marques d'identité du diable. One of them is sexual sin. Une d'entre elles, c'est le péché sexuel. The other one is lies. Une autre, c'est le mensonge. Falsehood. La fausseté. Witchcraft. La sorcellerie. Jealousy. La jalousie. Anger. La colère. Malice. La malice. Many of them. Beaucoup d'entre elles. We know the identity markers of the devil. Nous savons les marques d'identité du diable. And so you see here that when the devil had marked, alors vous voyez ici que lorsque le diable a marqué, had filthified, had put his mark, fingerprints, a sali, a mis sa marque, son empreinte on Joshua, then he was now able to claim right. Sur Joshua, alors il était maintenant capable de proclamer un droit over Joshua before the Lord. Sur Joshua devant le Seigneur. It is amazing here. C'est étonnant ici. But when the Lord saw the filth, quand le Seigneur a vu la saleté in Joshua's cloak, he called them sin. Sur les vêtements de Josué, il l'appelle péché. When he said, I will put new garments on you, quand il a dit, je vais mettre des nouveaux vêtements sur toi, he said, look, I have taken away your sin. Il a dit, regarde, j'ai enlevé ton péché. That means every time we are in sin, we wear the identity of the devil. Ça veut dire que chaque fois que nous sommes dans le péché, nous avons vêtu l'identité du diable. That is what happened to Israel. C'est ce qui est arrivé à Israël. In this fall. Dans cette chute. But now we see that when the Lord finally commands repentance. Alors nous voyons maintenant que lorsque le Seigneur finalement commande la repentance, commands the washing away of sin from Joshua, commande le nettoyage du péché de Josué, and he says, I'll put rich garments on you. Et il a dit, je vais mettre des vêtements riches sur toi. And a clean turban. Et un turban pur. But now you find that never ever again in this Bible. Et maintenant vous trouvez que plus jamais dans cette Bible, does the devil appear before the Lord and claim rights over Joshua. Le diable apparaît et réclame des droits sur Josué. When the Lord takes away the sin, quand le Seigneur enlève le péché that has purified his priestly garment, qui a sali son vêtement sacerdotal. This is the story of the church. C'est l'histoire de l'Église. This is the story of today's church. C'est l'histoire de l'Église d'aujourd'hui. Because you see very clearly that right now there is a lot of confusion. Parce que nous voyons très clairement que juste maintenant, il y a beaucoup de confusion in the garments the church is wearing. Dans le vêtement que l'Église est en train de vêtir. You find that when the marks of the devil have been placed on the church, que lorsque la marque du diable a été placée sur l'Église, the devil now claims right over the church. Alors le diable réclame maintenant des droits sur l'Église. He is claiming right over the church because look, sexual sin belongs to him. Il réclame des droits sur l'Église parce que, regardez, le péché sexuel lui appartient. But it is also in the church. Et il est aussi dans l'Église. Lies belong to the devil. Les mensonges appartiennent au diable. But Christians are lying today. Mais les chrétiens mentent aujourd'hui. And that's why I want you to understand the importance of that fine linen, bright and clean, that God is commanding you wear now. C'est pourquoi j'aimerais que vous compreniez l'importance de ce fin lin éclatant et pur que le Seigneur vous commande de porter maintenant. Because that is what will lead you, will separate you from the claim of the devil. Parce que c'est cela qui vous libère, qui vous sépare des revendications du diable. That the devil may never ever claim right over you again. Pour que le diable ne puisse plus jamais réclamer des droits sur vous. And we know that the church was called. Et nous savons que l'Église a été appelée into a priestly calling, a holy nation. À un appel sacerdotal, une sainte nation. And the Lord said that even as you are Christian, you are part of. Et le Seigneur dit que comme vous êtes chrétien, vous êtes participant. Is to be the ambassadors of Christ. C'est d'être des ambassadeurs de Christ. The hosts of God here on the earth. Des hôtes de Dieu ici sur la terre. You are all called to be disciples of Christ. Vous êtes tous appelés à être des disciples de Christ. That you may evangelize Jesus. Que vous pouvez parler du nom de Jésus. You are given a priestly calling also. On vous a aussi donné un appel sacerdotal. So precious people, let us be very careful with the kind of gown that you walk in at this time. Alors, précieux peuple, vous devez être très prudent à propos de la sorte de vêtements que vous portez en ce temps. I challenge you, the church, to interrogate yourself. Je vous mets au défi de vous interroger, Église. To ask your Christianity a question. Pour demander une question à votre christianisme. Every time before you do something, chaque fois avant que vous fassiez quelque chose, ask yourself, does this constitute fine linen? Demandez-vous à vous-même, est-ce que ça constitue du fin lin? Bright and clean. Éclatant et pur. And if the answer is no, et si la réponse est non, please don't do it. S'il vous plaît, ne le faites pas. Don't do anything that will grieve the Lord at this hour. Ne faites aucune chose qui puisse affliger le Seigneur en cette heure. Because I have come to announce the coming of the Messiah. Parce que je suis venu pour annoncer la venue du Messie. But I am also aware that when it does happen, it is irreversible. Mais je suis aussi au courant que quand il arrive, c'est irréversible. Alléluia. Alléluia. Read with me very fast the book of 2 Corinthians chapter 5. Lisez avec moi la deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 5. 2 Corinthians chapter 5, verses 1 to verse 8. 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 1 à 8. Write these scriptures down. Later, you can share them with your family. Écrivez cette référence. Comme ça, plus tard, vous pouvez le partager avec votre famille. You can have Bible study, you can teach your son. Vous pouvez le faire dans une étude biblique, vous pouvez enseigner vos enfants, vos fils, teach your daughters, et vos filles, teach your mom, you can have Bible study at home. Et enseigner votre mère, faire une étude biblique à la maison. He says, now we know that if the afflictions we live in. Il dit, maintenant, nous savons que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Si cette tente est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Meanwhile, we groan, longing to be clothed with our heavenly dwelling. Because when we are clothed, we will not be found naked. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Now it is God who made us for this very purpose and has given us the Spirit as a deposit, a guarantee, guaranteeing what is to come. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. This is so powerful, precious people. C'est si puissant, précieux peuple. He's saying, let us clothe ourselves with righteousness. Il dit, vêtons-nous de justice. And with holiness. Et avec la sainteté. Because only that is eternal. Parce que seulement ça est éternel. And he also says, et il dit aussi that when we are clothed with holiness and righteousness, que lorsque nous sommes vêtus de sainteté et de justice, then the mortal part of you is swallowed up by life. Alors la partie mortelle de vous est engloutie par la vie. Swallowed up by eternal life, not just life, eternal life. Par la vie éternelle, non pas seulement la vie, mais la vie éternelle. So your mortality is converted into immortality. Alors ce qui est mortel en vous est converti en immortel. Your perishability is swallowed up and converted into imperishability. Ce qui est périssable en vous devient impérissable. Your corruptibility is converted by incorruptibility. Ce qui est corruptible est converti en incorruptible. I am just using this to overemphasize to you. Je suis juste en train d'utiliser cela pour souligner pour vous l'importance de vivre dans la justice à cette heure dans l'Église. You essentially inherit the kingdom of God. Vous qui essentiellement héritez le royaume de Dieu. The true salvation of Christianity is walking in holiness. Et le salut dans le christianisme, c'est de marcher dans la sainteté. Listen to what he says in verse 6. Écoutez ce qu'il dit au verset 6. Therefore we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. The Lord has sent me here to shake you from your comfort. Le Seigneur m'a envoyé ici pour vous secouer de votre confort. The Lord has sent me here to shake you from your comfort in your bodies, in the physical realm. Le Seigneur m'a envoyé ici pour vous secouer de votre confort dans vos corps, dans le domaine physique. That you may move positions. Pour que vous puissiez changer de position. That you may now begin preparing for another nationality, another citizenship. Pour que vous puissiez maintenant préparer une autre nationalité, une autre citoyenneté. The citizenship of the eternal kingdom of God. La citoyenneté du royaume éternel de Dieu. The book of Hebrews, chapter 9. L'épître aux Hébreux, chapitre 9. Hebrews, chapter 9. Hébreux, chapitre 9. I bless the Lord that I'm able to expand this to you. Et je remercie le Seigneur de ce qu'il me met en mesure de vous accorder ceci. Alléluia. Amen. But first, let's get this living bread into your fiber. Mais premièrement, laissez ce pain vivant aller dans vos fibres. Amen. That you may enter eternity. Pour que vous puissiez entrer dans l'éternité. Il dit, du verset 1 de Hébreux chapitre 9, he says, now the first covenant had regulations for worship and also an earthly sanctuary. Il dit, la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. A tabernacle was set up. En effet, un tabernacle fut construit. In his first room where the lampstand, the table and the consecrated bread, this was called the holy place. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Behind the second curtain was a room called the most holy place, which had the golden altar of incense and the gold-covered ark of the covenant. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le plus saint, renfermant l'encens d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance. This ark contained the gold jar of manna, Aaron's staff that had budded, and the stone tablets of the covenant. Et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri est l'étable de l'alliance. About the earth where the cherubim of glory overshadowing the atonement cover. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. But we cannot discuss these things in detail now. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. When everything had been arranged like this, quand toutes choses ont été arrangées comme ceci, the priest entered regularly. Le prêtre entrait régulièrement into the outer room to carry out their ministry. Dans la chambre extérieure pour accomplir son ministère. But only the high priest entered the inner room, and that only once a year, and never without blood, which he offered for himself and for the sins that people committed in ignorance. Le verset 7. Et dans la seconde, partie, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y portant du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Now, precious people, understand this. Maintenant, précieux peuple, comprenez ceci. This is so critical regarding this message of the wedding rings in the sky. C'est si critique concernant le message des anneaux de noces dans le ciel. Because it says, in the first tabernacle, parce qu'il dit dans le premier tabernacle, the earthly tent, la tente terrestre, there was a worship there, il y avait de l'adoration là, that was mirroring what was to come, qui était un miroir de ce qu'il devait venir. It says, in the earthly tabernacle, il dit dans le tabernacle terrestre, if you watch very, very carefully the way they worship, si vous regardez très soigneusement la manière dont ils adoraient, you could almost see the advent of the Messiah. Vous pouvez presque voir l'avènement du Messie. What I want you to pay attention to is this. Et j'aimerais que vous prêtiez attention à ceci. There were two areas. Il y avait deux endroits. There was the outer court. Il y avait la cour extérieure. And the inner court. Et la cour intérieure. The outer room and the inner room. La chambre extérieure et la chambre intérieure. And you understand, he says that in the outer court, the priests came on a daily basis, regularly, always, to do their daily ministry. Et vous comprenez que dans la cour extérieure, le prêtre venait pour faire son ministère journalier, sur une base journalière. Walking in there, checking out, what is the mail I have today, do I have any mail here? Marchant là, regardons, est-ce que j'ai du courrier ici? Just checking regular things. Contrôlant les choses régulières. What's going on? Who is coming here? Who is doing what? Comment ça se passe? Qui est-ce qui vient là? Qui fait quoi? Regular ministry in the outer court. Le ministère régulier dans la cour extérieure. But then, now, when it came to the most holy place. Maintenant, quand ils viennent dans la place la plus sainte. Only the high priest entered, and only once a year. Seul le souverain sacrificateur y entrait, et seulement une fois par année. And when the high priest entered there, never without blood. Et quand le souverain sacrificateur y entrait, ça n'était jamais sans du sang. He entered there only with blood. Il entrait là seulement avec du sang. Which he offered for himself and for the sins the people have committed in ignorance. Qu'il offrait pour ses propres péchés et pour les péchés que le peuple avait commis dans l'ignorance. N'êtes-vous pas surpris que le Seigneur dise « dans l'ignorance » Seuls les péchés commis dans l'ignorance. Je pense que c'est très surprenant. Not deliberate sin. Pas pour les péché délibéré. Which means deliberate sin was not even acceptable still. Ce qui signifie que les péchés délibérés n'étaient même pas acceptables. But then when Jesus went on the cross, mais lorsque Jésus est allé à la croix, the curtain that separated the holy from the most holy place was ruptured. Le voile qui séparait la place sainte de la place très sainte a été déchiré. And then he welcomed the church. He admitted the church. Et ensuite, il accueille l'Église. Il admet l'Église. Into the most holy place. Dans la très sainte place. And now you have access to the most holy place. Et maintenant, vous avez accès à la plus sainte place. But we now know that the most holy place used to contain the earth or the covenant of the Lord. Mais nous savons maintenant que la place la plus sainte contenait l'arche de l'alliance du Seigneur. It is not a place of complacency with sin. Ça n'est pas une place de complaisance avec le péché. Let me describe to you something about the most holy place. Laissez-moi vous décrire quelque chose à propos de la plus sainte place. Let me love you with this vision. Laissez-moi vous aimer avec cette vision. Une fois, le Seigneur m'a élevé et m'a amené devant sa chambre du trône. Je m'en vais vous décrire quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler. The secrets of heaven. Les secrets du ciel. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. And then the Holy Spirit brought me to a place where there is a walkway. Et ensuite, le Saint-Esprit m'a amené à une place où il y a une allée. Right leading into the throne room of God is a golden walkway. Juste en quittant la chambre du trône de Dieu, il y a un chemin d'or. There is the yellowish lighter gold, which is center. Il y a de l'or clair et jaunâtre au centre. And then there are two strips flanking that of richer reddish brown gold. Et ensuite, il y a deux bandes d'accompagnement d'un or plus riche, d'un brun rougeâtre. Let me repeat that as you get that. Laissez-moi répéter ceci encore. There is a yellowish lighter gold in the center. It is wider, but it has two strips of richer reddish brown gold at the sides. Il y a une large bande d'or clair et jaunâtre au milieu et sur les côtés deux bandes plus étroites qui sont brun rougeâtre d'or aussi dans cette allée. This is extremely privileged information, precious people. C'est une information extrêmement privilégiée, précieux peuple. And then the Holy Spirit told me to kneel down and pray. Et ensuite le Seigneur m'a montré de me mettre à genoux et de prier. And when I knelt down and prayed, et quand je me suis agenouillé et j'ai prié, at the walkway, I knelt down on the walkway, dans l'allée, je me suis agenouillé dans l'allée. And then, at that time, et ensuite, en ce moment, immediately I saw the two cherubim of glory. J'ai vu immédiatement les deux chérubins de gloire. Remember, not everybody sees the cherubim. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un ait vu les chérubins. You can read your Bible. Si vous lisez votre Bible, and find out who and who saw the cherubim. Et si vous trouvez qui a vu les chérubins, just to emphasize to you the gravity of this. Juste pour mettre de l'importance à la gravité de cela. But what amazed me about the cherubim of glory, mais ce qui m'a étonné à propos des chérubins de gloire, they were carrying the ark of the new covenant of the Lord. Ils portaient l'arche de la nouvelle alliance du Seigneur. And they were walking on this golden walkway. Et ils marchaient dans cette allée d'or. You cannot even blaspheme this. It will hurt you. Vous ne pouvez pas même blasphémer ceci. Ça va vous frapper. And so when I was kneeling down and praying there, I see the two cherubim. Et alors quand j'étais à genoux là, j'ai vu les deux chérubins carrying the ark of the new covenant of the Lord. Portant l'arche de la nouvelle alliance du Seigneur. And what amazed me is the way they were carrying it and walking on the golden walkway. Et ce qui m'a étonné, c'était la manière dont ils la portaient et ils marchaient dans l'allée. They were carrying the staves of the ark of the new covenant, but with their heads bowed. Ils portaient l'arche de la nouvelle alliance, la tête baissée. This is now beyond theology. Maintenant, c'est derrière la théologie. Forget about the human theology in schools. Oubliez la théologie humaine des écoles. And as they walked sideways with the ark of the covenant by their heads were bowed. Alors qu'ils marchaient, ils marchaient de chaque côté de l'allée avec l'arche de l'alliance et leur tête était baissée. Until they reach the throne position. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la position du trône. And they placed the ark of the new covenant at that place. Et ils ont placé l'arche de la nouvelle alliance à cette place. And then at that time, et ensuite, en ce moment, J'ai dit dans la prière, puissant Père, I come to you with praise and thanksgiving in the mighty name of Jesus. Je viens à toi avec des louanges et de la reconnaissance au nom puissant de Jésus. Only the Lord put the prayer in me. Seul le Seigneur a mis cette prière en moi. But immediately at that time, mais immédiatement, en ce moment, when I say that, quand j'ai dit cela, the two cherubim that had put the ark of the new covenant, les deux chérubins qui avaient placé l'arche de la nouvelle alliance, they now move to the side of the ark of the new covenant. Maintenant, ils se déplacent à côté de l'arche de la nouvelle alliance. And then the glory of the Lord in a cloud. Et ensuite, la gloire du Seigneur dans une nuée. Now came on the golden water. Maintenant est venu sur l'allée d'or. And sat on the mercy seat. Et s'est assis sur le siège de miséricorde. The most holy place, the holy of holies. La plus sainte, le saint des saints. Is the dwelling of the Lord. C'est la résidence du Seigneur. The rest, I cannot share what transpired in the throne room from that point on. Le reste, je ne peux pas partager, c'est ce qui s'est passé dans la chambre du trône à partir de ce point. But just that you understand, mais juste comme vous comprenez, that is the presence of God. Ça, c'est la présence de Dieu. And so when Jesus died, et alors, lorsque Jésus est mort, and he allowed the church, the curtain split, he admitted the church into the holy place, the holy of holies. Et il a permis à l'Église, le voile s'est déchiré, il a admis l'Église dans la place sainte, dans le saint des saints. It is a extreme favor that he allowed the church to enter into this most holy place. C'est une faveur extrême qu'il permet à l'Église d'entrer dans cette place qui est la plus sainte. We all remember when David had ordered that the ark of the covenant of the Lord be carried. And when they did not carry it right, they died. Nous nous souvenons tous quand David avait ordonné que l'arche de l'alliance du Seigneur soit transportée, ils ne l'ont pas transportée correctement et ils sont morts. We all remember. Nous nous souvenons tous that Samuel, the young boy, was sleeping by the ark of the covenant of the Lord while Eli was sleeping out. Que Samuel dormait près de l'arche de l'alliance alors que Eli dormait à l'extérieur. This is a holy place. C'est la place sainte. Where Jesus admitted the church into is the most holy place. Là où Jésus a admis que l'Église soit dans la plus sainte place. Where the wedding of the Lamb of God takes place. Là où les noces de l'agneau de Dieu prennent place. In the most holy place. C'est la place la plus sainte. The wedding rings are made of gold. Les anneaux de noces sont faits en or. I have seen them there in the sky right now, as you see. Je les ai vus dans le ciel juste maintenant. But he says, mais il dit, le verset 3, behind the second curtain was a room called the most holy place. Derrière le second voile était la partie du tabernacle appelée la place la plus sainte. Which has golden altar. If I were you and I meet golden, I mark it. Which has the golden altar of incense. Qui a un autel d'or. Si j'étais vous, quand je rencontre l'or, je le marquerais. Qui est l'autel d'or de l'encens. Which has the golden altar of incense. Renfermant l'encensoir d'or pour les parfums. And gold covered up of the covenant. Et l'arche de l'alliance recouverte d'or. And the golden jar of manna. Et le vase d'or de manne. Precious people. Précieux peuple. The Lord has admitted you into the golden place. Le Seigneur vous a admis dans la place d'or. And that place is the most holy place. Et cette place, c'est la place la plus sainte. And that's why I'm sharing with you very, very deep visions of God. Et c'est pourquoi je partage avec vous une vision de Dieu très profonde. Which I've not shared with others, que je n'ai pas partagée avec d'autres. That you may understand the gravity of preparing at this hour. pour que vous puissiez comprendre la gravité de cette préparation en cette heure. Then why is the church busy doing her regular ministry? Et pourquoi dans l'église est-ce qu'on fait un ministère régulier? Instead of worshiping with the blood of Jesus at the most holy place. À la place d'adorer avec le sang de Jésus dans la plus sainte place. But to finish up, precious people, turn with me to the book of 1 Samuel chapter 2. Mais pour finir, précieux peuple, tournez avec moi dans le premier livre de Samuel chapitre 2. To finish up with this vision. Pour finir avec cette vision of the wedding rings in the sky. Des anneaux de noces dans le ciel. And the need for you to prepare. Fine linen, bright and clean. Et le besoin pour vous de préparer du fin lin éclatant et pur. 1 Samuel chapitre 2 verset 26. In fact, verse 17 and 19. Et les versets 17 à 19. 17 to 19 first. Premièrement, 17 à 19. We're going to read both. 17 to 19 first. Nous allons les lire les deux. 17 à 19, premièrement. Again, 1 Samuel chapter 2, I'm reading 17 to 19 first. Encore. 1 Samuel chapitre 2, je lis le 17 à 19, premièrement. And he says, this sin of the young men was very great in the Lord's sight, for they were treating the Lord's offering with contempt. Ces jeunes gens seront des coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. That is the sons of Eli. Ce sont les fils d'Eli. That is the old priesthood. Ça, c'est l'ancienne prêtrise. That is the old church. Ça, c'est l'ancienne église. And because of that sin, God saw it. Et à cause de ce péché, Dieu l'a vu. He deemed it fit that there be a new church. Il a considéré qu'il était nécessaire qu'il y ait une nouvelle église. Now he needed to raise up a new church, a holier church. Maintenant, il fallait élever une nouvelle église. So as that corruption was going on, alors que cette corruption était là, in the church, dans l'église, you know that Eli's sons were getting girls from the door of the temple. Vous savez que les fils d'Eli prenaient des filles à la porte du temple. And go to sleep with an immorality. Et aller dormir dans l'immoralité. You know the way they treated the offering of the Lord with contempt? Vous savez la manière dont ils traitaient l'offrande du Seigneur avec mépris. When they went and took the fat, the meat before the glory had reached the Lord. Quand ils allaient et prenaient la graisse, la viande, avant que la gloire ait atteint le Seigneur. But as that was happening, pendant que cela se passait, verse 18, verset 18, but Samuel was ministering before the Lord, a boy wearing linen ephod. Samuel faisait le service devant le Seigneur et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Verse 19, le verset 19, each year his mother made him a little robe and took it to him when she went up with her husband. To offer the annual sacrifice. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. I was amazed by this. J'étais étonné par cela. That as there was sin, someone was wearing fine linen by the earth of the Lord, the earth of the covenant. Que alors qu'ils étaient en train de pécher, Samuel était vêtu de pain lin près de l'arche du Seigneur, l'arche de l'Alliance. Alors qu'ils étaient en train de pécher, Samuel était là, servant devant le Seigneur, in linen, fine linen. Avec du lin fin. I was also amazed. J'étais juste étonné by the fact that Samuel's mother, par le fait que la mère de Samuel every year prepared a new linen for him. Chaque année préparait un nouveau lin pour lui. A fine linen and brought. Du fin lin, elle l'apportait. Renewing, renewing. Le renouvelait, perpetual perfection. Un perpétuel perfectionnement. As the rest were in sin, Samuel was more concerned of the linen he's wearing before the Lord. Alors que le reste était dans le péché, Samuel était plus concerné par le qu'il portait devant le Seigneur. Est-ce que c'est plus fin cette année? Est-ce que c'est plus parfait en ce moment? Ça, c'est la même question que le Seigneur vous demande. Are you perpetually concerned about the fineness of the linen you wear before the Lord? Êtes-vous perpétuellement concerné à propos de la finesse du lin que vous portez devant le Seigneur? Is it finer this year than it was last year? Est-ce que c'est plus fin cette année que ça l'était l'année dernière? Look what happens when you are perpetually consumed. Regardez ce qui arrive quand vous êtes perpétuellement consumé en raffinant le lin devant le Seigneur. When you are constantly concerned about refining the linen you wear before Jehovah. Quand vous êtes constamment occupé à raffiner le fin lin devant Jéhovah. Look at what happens. Regardez ce qui se passe. Verse 26. Le verset 26. He says, and the boy Samuel continue to grow in stature and in favor with the Lord and with men. Il dit, et le jeune Samuel continuait à grandir en faveur devant l'Éternel et devant les hommes. Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. You see what happens? Vous voyez ce qui arrive? Even as there is sin out there. Alors qu'il pêche en dehors, even as there is sin in the church, même alors qu'il pêche dans l'église, the Lord never removes his eyes, le Seigneur ne détourne jamais ses yeux from his own that are elect, that are prepared, that are worthy and concerned, de ceux qui sont élus, de ceux qui se préparent, de ceux qui sont veillants et qui sont concernés. About how to appear before him. À propos de comment apparaître devant lui. I repeat this slowly by slowly. Je le répète petit à petit. Even as there is sin out there. Même alors qu'il pêche à l'extérieur. Even as there is sin in the church. Même alors qu'il pêche dans l'église. The Lord never removes his eyes. Le Seigneur ne détourne jamais ses yeux from his elect. De ses élus. The ones that are concerned. De ceux qui sont concernés on how they appear before him. De la manière dont ils apparaissent devant lui. And that's why you see that the decline in the church. C'est pour ça que vous voyez que le déclin dans l'église did not affect how Samuel grew before the Lord. N'ont pas affecté la croissance de Samuel devant le Seigneur. Instead, it gave the Lord a chance to build a new sanctuary. À la place, il a donné au Seigneur une chance de construire un nouveau sanctuaire. What I'm saying, precious people, ce que je dis, précieux peuple, even when there is sin in the church, même quand il y a du péché dans l'église, the Lord never removes his eyes. Le Seigneur ne détourne jamais ses yeux from his remnant. De son restant. Who are the remnant? Qui sont ceux qui restent? Those who are perpetually concerned about refining their spiritual walk. Ceux qui sont perpétuellement concernés à propos du raffinement de leur marche spirituelle. Those who are concerned about how they appear before the Lord. Ceux qui sont concernés de la manière dont ils apparaissent devant le Seigneur. The linen effort that you see someone wearing here. Les fautes de lin que vous voyez que Samuel porte ici, is about appearing before the Lord. C'est à propos de notre apparence devant le Seigneur. It's about how do I appear before the Lord. C'est à propos de la manière dont vous êtes vêtu, comment vous apparaissez devant le Seigneur. And that's why you see that the remnant. C'est pour ça que vous voyez que le restant gives the Lord a chance to build a church. Donne une chance au Seigneur de construire l'église. Il donne une chance au Seigneur de construire l'épouse de Christ. When there was decay, quand il y avait du déclin and rot, et de la démoralisation, immorality, lies, name it, sin, de l'immoralité, des mensonges, nommez-les, des péchés. And then verse 26 is somewhere. Et ensuite, Le verset 26, c'est Samuel. And the boy Samuel continued to grow in stature and in favor with the Lord and with men. Et le jeune Samuel continuait à grandir en stature et en faveur devant le Seigneur et devant les hommes. I was so amazed. J'étais si étonné. That this is even the path Jesus set for the church. Et que c'est même le chemin que le Seigneur a mis en place pour l'Église. Turn with me to Luke chapter 2, verse 52. Tournez avec moi dans Luc chapitre 2, verset 52. And he says, and Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and with men. Et il dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. You see what Samuel was doing? Vous voyez ce que Samuel faisait? That is the part the Lord set for the church. Ça, c'est la part que le Seigneur met pour l'Église. That is what perpetually going to be concerned about how we present ourselves before the Lord. Que si vous êtes perpétuellement concerné à propos de comment nous nous présentons nous-mêmes devant le Seigneur, then you can only grow in stature and in favor with the Lord and with men. Alors, vous pouvez seulement croître en stature et en faveur avec le Seigneur et avec les hommes. Look at the similarity here. Regardez la similarité ici. This is our Lord. C'est notre Seigneur. He also cared how he presented himself before Jehovah God. Nous aussi, nous faisons attention comment nous nous présentons devant Jéhovah Dieu. In stature, he grew, and in favor with God and with man. En stature, il croissait, et en faveur avec Dieu et devant les hommes. What does it mean in favor with God and with man? Qu'est-ce que ça signifie être en faveur avec Dieu et avec les hommes? That means the Lord protects you. Ça signifie que le Seigneur vous protège. That means when you are going to minister to the Buddhists. Ça signifie que quand vous allez pour prêcher l'évangile aux bouddhistes, the Lord will open their hearts. You are favored before them. Le Seigneur va ouvrir leur cœur. Vous allez être en faveur devant eux. They will listen to you and receive the Lord. Ils vont vous écouter et recevoir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Make sure you catch that. Soyez sûr que vous saisissez cela. That the Lord has now commanded the church. Que le Seigneur maintenant a commandé à l'Église to return to righteousness. De retourner à la justice. That only righteousness can favor the church, give the church favor before the Lord. Car seule la justice peut mettre l'Église en faveur, peut donner à l'Église faveur devant le Seigneur to grow in full stature with Christ. Pour grandir en pleine stature avec Christ. And remember, you need that full stature. Et vous vous souvenez, vous avez besoin de cette pleine stature at the time of the wedding of the Lamb. Au moment des noces de l'agneau. You need to be in full stature. Same height as Christ. Vous avez besoin d'être dans une pleine stature, de la même hauteur que Christ. You need the favor of the Lord. Vous avez besoin de la faveur du Seigneur. The church needs the favor of the Lord at this hour. L'Église a besoin de la faveur du Seigneur en cette heure. Do you know what the favor of the Lord is? Est-ce que vous savez ce que la faveur du Seigneur est? The favor of the Lord is the anointing of the Holy Spirit. La faveur du Seigneur, c'est l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Thank you.